Bonjour tout le monde, bonjour les petits chroniqueurs. Bonjour. Salut, salut. Est-ce que ça va bien tout le monde? Ouais. Cette phrase est très française. Tout le monde va bien. Ça va bien tout le monde. Et toi tout seul, ça va bien? Eh ben moi ça va très bien, je suis très content d'être là pour cette deuxième émission déjà. On n'a pas été supprimés. On est toujours là. Et en plus j'ai une grande annonce à faire. Nous sommes renouvelés pour d'autres émissions et nous allons revenir deux fois par mois, le premier et le troisième jeudi de chaque mois. Wouhou. Donc c'est la double dose de bonheur. Vous êtes contents, j'espère que tout le monde sera content. Oui, c'était trop dur de tenir. On a un objectif d'audience de 3 millions d'auditeurs d'ici le 10 décembre. 2048. C'est ça. Si nous ne sommes pas tous morts d'ici là. Camille, comment ça va? Ça va super bien et toi? De quoi tu vas nous parler aujourd'hui? Moi, je vais vous faire partir à Madère. Cool. Ouais. J'ai hâte d'y être. Charles, de quoi tu vas nous parler? Et encore pareil que la semaine dernière, hein. Enfin, il y a un mois, il me demande même pas comment je... J'ai fait un... demande à sa meuf et il me demande pas oui, moi, quoi. J'ai c'est fait terrible. Un travail collectif d'anticipation. Ouais, puis à ta meuf, tu l'as demandé une deuxième fois. Ouais, c'est ça. Ouais. J'arrête mes bêtises. Moi, je vais vous parler de jeux de société. Et plus particulièrement, je vais vous apprendre un petit peu les termes obscurs et techniques du monde du jeu de société. Oula. Ok, j'ai hâte d'apprendre ça. Mélie, par l'intermédiaire d'un quiz, vous allez souffrir. Merci Charles. Bon, je m'en vais alors. C'est au tour de Mélie maintenant. Mélie, comment vas-tu? Eh ben, ça va super. On lui demande aussi comment ça va. Hein. Je demande Kofi, c'est normal. Et du coup, moi aujourd'hui, je vais vous parler de cuisine, de cuisine romaine. Non, il y a une escalope romaine. Non, ça n'existe pas, je dis n'importe quoi. Je suis nul en cuisine. Si, escalope à la romaine, ça existe. Ah, escalope à la romaine, donc je ne suis pas si nul que ça. Ok. Eh ben, j'ai hâte d'entendre ta chronique, mais en premier, on a changé l'ordre. C'est Camille. Ouais. 18h, 19h, la voisinade sur Fadjet. Camille vous fait voyager. Camille vous fait voyager, c'est quoi? Une musique de road trip. On part, on est en voiture et on va en voiture et on va jusqu'à Madère en voiture en traversant l'océan. Non, mais ça se fait plutôt bien en voiture à l'intérieur en tout oui, cas. Ouais, encore. Mais d'abord, avant d'arriver en voiture, il faut prendre l'avion et l'aéroport de Madère fait partie des 10 aéroports les plus dangereux du monde. Ça voilà, donne envie. J'avais juste envie de préciser ça. Le premier, c'est l'aéroport de Tenzing Hillary au Népal. Et Madère arrive en 9e position, donc ça va quand même. Ça va, ça passe. Voilà. Ça va, mais quand même, dans les 10 plus dangereux du monde, je trouvais que ça avait son importance. Et en fait, c'est parce qu'il y a beaucoup de vent sur l'île. Et surtout, ils ont trouvé que la piste était trop courte. Donc ils se sont dit, tiens, on va rajouter un petit bout de piste. Sauf que ils l'ont rajouté sur des pylônes. Et donc du coup, évidemment, rien que quand on réfléchit à ça, on se dit que c'est un petit peu dangereux. Donc la piste, elle est au-dessus de l'eau, quoi. Ouais, la piste est sur l'eau. C'est ça, sur des pilotis. Okay. Elle passe même au-dessus de la route. Elle passe au-dessus de la route. Ils la ont route, rajouté... mi-route, mi-océan. Ouais. Ouais, c'est... intéressant. Ça fait peur. Hein. C'est quel architecte qui a fait ça, franchement? Ouais. Mais jusque-là, tout va bien. Hein, mais disons que c'est un peu technique pour les pilotes. C'est juste ça. Mais voilà. Mais on y allait et nous sommes revenus vivants. Donc tout va bien. Bon, Camille fait la maligne, mais bon. Elle avait un peu les mains moites, hein, l'atterrissage. Parce qu'il faut préciser que le pilote a mis plus d'une heure à atterrir parce qu'à chaque fois qu'il voulait atterrir, il y avait trop de vent. Donc, ouais, c'est pour un peu ça compliqué. Que je fais la petite précision. C'est pour ça que c'est technique. Voilà. Mais bon, ça se passe bien. Madère alors est surnommée l'île aux fleurs, je sais pas si vous savez. Oui, parce qu'il y a des beaux jardins, non? Ouais, à Madère. Parce qu'il y a énormément en fait. Mélie, elle fait c'est l'île aux fleurs. Bah oui, parce qu'il y a des fleurs. Merci, non mais en fait, c'est surtout parce qu'il y a une grande diversité de fleurs sur l'île parce que il y a un climat subtropical et donc c'est très propice pour plein de variétés de fleurs. Donc c'est vraiment super joli. Je vous conseille par exemple le jardin botanique de Madère qui est super magnifique. Beau. Voilà. On y célèbre aussi la fête des fleurs au mois de mai, comme quoi vraiment ils ont grosse importance à la fleur. Et donc il y a les habitants, ils se déguisent, ils défilent dans les rues, etc. Alors cette année, elle a été célébrée qu'en octobre, mais c'est pas un problème parce que l'île, c'est aussi surnommée l'île du printemps éternel. Oh, alors, c'est pourquoi ça a été fait qu'en octobre? Bah, j'ai une petite idée quand même. J'imagine qu'au mois de mai, c'était pas forcément idéal. Ah, mais oui, au mois de mai, on y était. Donc, du coup, ils se sont dit, ah non, on peut pas. Deux gros événements en même temps, c'est-à-dire ma venue plus la fête des fleurs. On y était, mais je pense qu'il y avait pas beaucoup de touristes. Ça avait pas encore non, repris, donc personne, ils ont préféré décaler. Donc voilà. Je voulais aussi vous parler de nourriture, parce que je sais que Charles aime bien savoir ce qui se passe aime en termes de nourriture dans les autres pays. Oui. Voilà. Moi, il aime beaucoup manger. Alors, je sais, alors Mélie et Guélon, ils sont déjà allés. Est-ce que vous vous rappelez comment s'appelle le pain traditionnel de... Aucune idée. Ah non, je sais pas. Moi, j'ai visité le marché avec les fruits, là. Et bah, oui. Il y avait du pain sur le marché avec les fruits. Bah, j'ai mangé que les fruits. Alors, c'est vrai que le marché avec les fruits est assez réputé aussi. On trouve plein de fruits différents, les fruits exotiques, etc. D'ailleurs, on trouve aussi plein de fruits de la passion, qui est mon fruit préféré et qui est absolument génial là-bas. Vous pouvez trouver des fruits de la passion en jus. Ils font des jus fraîchement pressés. Ils font des puddings aux fruits de la passion. Enfin bref, ça, c'est le paradis pour les gens qui aiment le fruit de la passion. Ouais, mais non, alors par contre, le pain, ça s'appelle le bolo do caco. Ah, mais je suis vraiment débile. Voilà, je savais que tu savais. C'est pour ça que je te demandais. En fait, c'est un pain typique donc, de l'île de Madère qui est rond et aplati et qui est fait à base de patates douces. Ah, sympa. Ouais, qui est super bon. Alors, eux, ils mettent du beurre à l'ail, ils mettent un peu de tout dessus, et c'est du chorizo, du fromage, du plein de choses, et c'est super bon. Tu vas relancer le débat du chorizo à l'antenne, hein. Fais gaffe, attention. Il y a déjà 3 personnes dans les studios qui sont en train de gueuler. Hein. Du ce que vous voulez, enfin bref, ce petit saucisson rouge qui pique, voilà. Voilà, sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a aussi un autre cake qui est très réputé sur l'île de Madère, c'est le bolo de mel. Ah, ça me dit quelque chose. Bah si, j'en ai mangé, ça. Travel, bah oui, on en a mangé. C'est un gâteau, en fait, on peut comparer ça au pain d'épices, en fait. En meilleur, ouais. Mais vraiment non, meilleur. Vraiment, moi, meilleur. Je suis pas un grand fan de pain d'épices et perso, j'ai bien aimé. Ouais, c'est un gâteau. En fait, c'est la traduction, ce serait un gâteau de miel. Mais voilà, c'est des épices, du beurre, du vin de Madère, du noix, des amandes, du citron, enfin de la mélasse. Enfin, c'est vraiment, ça ressemble à du pain d'épices, mais vraiment meilleur. Ils ont mis tous les ingrédients qu'ils avaient dans le pain. En fait, ils ont dit tiens, on a c'est du ça. Miel, on va mettre du miel, ça passe aussi. Allez hop, on met tout. Non, mais franchement, tu devrais goûter, même si t'aimes pas le pain d'épices, parce que c'est quand même assez sympa. Bah, tu nous en ramèneras, hein ? Oui. On va devoir retourner à Madère. Ok, on part demain. C'est parti. Sinon, tu peux, en pâtisserie, tu peux quand même goûter les fameux pastéis de nata, parce que ça, c'est incontournable, vu que Madère est une île portugaise. C'est évidemment... Il y en a à tous les coins de rue, quoi. Voilà, il y en a à tous les coins de rue, et ça, c'est très très bon. J'espère que ça, tu aimes. Non. Non, désolé. Non. Ah, mais tu aimes quoi à part l'alcool? Carrément. Du vin, que du vin. Bon, bah alors on va passer à en boisson. Moi, il y en a une que j'ai repérée, justement. Peut-être que ça va t'intéresser un peu plus. Il y en a une que j'ai goûtée et qui était sympa. C'est qui est assez typique aussi de Madère, c'est le Nikita. Le Nikita. Tu connais pas? Non. C'est un film avec Luc Besson, ça, non? Nikita. Oh là là. Non, mais c'est vrai en plus. C'est... Pardon. Est-ce que quelqu'un peut lui couper son micro, s'il vous plaît? C'est lui la régie, donc ça va être compliqué, quoi. Donc en fait, c'est un cocktail qui est fait à base de glace à la vanille, de jus d'ananas et de bière. Et c'est bizarre, original, mais c'est vraiment bon, franchement. Tu l'as bu le machin là? Ouais, j'ai bu. Ah oui, non, mais moi je débarque, hein. Ok. Ouais. Mais t'avais goûté aussi, hein? Oui, si, c'est vachement sympa. Ouais. Vous êtes sûr que vous êtes partis ensemble en vacances? Oui, mais il s'en rappelle à retard de manger. Moi j'avais le décalage. Mais une fois arrivés, ils sont un peu. C'est ça. Ils sont partis chacun à leurs activités. Ouais, c'est ça. Je préférais, c'est mieux. Non, c'était très bon. Est-ce que tu te rappelles quel est le point culminant de l'île de Madère? Pico de Ruivo. Ouais. C'est l'endroit le plus haut. Ouais. C'est quoi? C'est l'endroit le plus haut. Tu peux lui couper son micro aussi, s'il te plaît? Charles, micro bleu. Allez, c'est parti. C'est donc le sommet qui est à 1862 mètres d'altitude. Alors, il est souvent baigné d'une mer de nuages. Et c'est vraiment un paysage qui se mérite parce que c'est très compliqué de monter là-haut à pied si... Mes jambes s'en souviennent. Voilà, si on veut faire la fameuse randonnée qui va donc du Pico Ruivo, donc qui est le plus haut, au Pico Aéreo, qui est un des plus hauts aussi. Il y a une randonnée qui se fait. Alors, elle est super sympa. Vous allez avoir des tunnels et des escaliers sur tout le chemin. Mais par contre, attention, préparez les cuisses et les poumons parce que c'est assez physique. Mais vraiment, ça vaut le détour. Oh, t'as fait des belles photos. Si on a la flemme de monter, ce sera très bien. Si vous voulez voir des photos de Madère, je vous invite tout de suite à aller sur Instagram, suivre Camille Louillot, comme ça se prononce. Elle a fait plein de photos de Madère et plein d'autres photos sympas à liker. Je vous offrirai des bonbons. Sur Madère, si justement, j'ai mis le Pico Ruivo. Ouais. Juste. Voilà. Sinon, je voulais aussi vous parler des fameux levadas de Madère. Vas-y, on t'écoute. Parce que, je ne sais pas, donc pareil, hein, Charles, je sais que tu n'y es pas allé, donc je parle beaucoup à Amélie, mais je ne sais pas si tu as remarqué qu'il y avait des petits chemins d'irrigation sur tout le bord des routes, j'ai pas regardé les routes, désolée. Voilà, alors à Madère, il y a donc ce qu'ils appellent les levadas, c'est des petits canaux d'irrigation sur les chemins, donc ils ont un réseau long de plus de 2100 km. Ah ouais, quand même. De Levada, ouais. En fait, elles irriguent les différentes productions agricoles. Elles apportent l'eau de la source au cœur des vallées. Et donc, on a des randonnées qui ont plus de place pour ces petits canaux d'irrigation qu'au chemin. Oui, mais c'est super ça, ouais. Agréable. Voilà, ça fait un petit, une petite ambiance sympa. Le bruit de l'eau qui coule quand tu marches, voilà. Quand toi, tu es en train de mourir. Quoi ? Ça irrigue les productions agricoles. Elle l'a dit, hein. Ah, pardon. Voilà. Charles, il faut se réveiller parce qu'il est quand même 18h10. À un moment, on va pas non plus faire l'émission à 22h pour que tu sois réveillé. Il y a une partie de l'île qui est plus sèche que l'autre. Donc en fait, ils irriguent de cette façon-là. Et en fait, c'est vachement joli. D'accord. Voilà, voilà. Eh ben, je te remercie, Camille, de nous avoir fait voyager. Moi, ça m'a donné envie de repartir en vacances. Surtout quand là, je vois comme le temps qu'on a en ce moment. Ouais. Ça caille à mort. Eh ben, partez à Madère, conseil. Voilà. Eh ben, du coup, alors, la prochaine musique qu'on va s'écouter, je sais pas comment ça se dit, c'est Purple Disco Machine. C'est ça ? Camille, c'est toi qui as choisi. Donc, on va s'écouter ça tout de suite. Attention, on va monter le son. Attention, la boîte de nuit. J'ai l'impression d'être en boîte de nuit de ouf. Et c'est mardi, attention. C'est gratuit jusqu'à 3h30. Sur Fadjet, la voisinade. Faites comme chez nous. La voisinade sur Fadjet. Et Charles, à quoi on joue ce week-end ? C'est pas moi qui explique mal, c'est les autres qui sont. Et Charles, à quoi on joue ce week-end ? Voilà, c'était ma question. Bah voilà. merci de répéter. alors, ma chronique du jour. Alors, elle va pas forcément vous aider à choisir à quoi on joue ce week-end, en fait, pour le coup. J'ai bien réfléchi, le deuxième épisode, j'avais prévu de vous proposer des alternatives au Uno. Et en fait, je me suis dit que c'était pas évident pour vous présenter des jeux parce que vous connaissez pas tous les termes un peu techniques, des types de jeux. Si je vous dis un jeu de draft, vous allez pas savoir ce que c'est. Donc si je dois vous expliquer ce qu'est du draft pendant que je vous présente les jeux, ça va être compliqué. Donc j'ai décidé de faire une petite pause dans ma série, au deuxième épisode. Le mec, où il fait une pause, il a fait une pause. Pour vous présenter un petit peu les termes techniques. Alors je me suis dit qu'une compilation de définitions du dictionnaire, ça allait vite être très chiant. Je suis très fort là. Et du coup, j'ai imposé de faire un petit quiz. Donc je vais faire un petit peu bosser les autres, parce que j'avais pas envie de chercher les définitions. Et du coup, le gagnant aura le droit de choisir le prochain jeu auquel on joue. Voilà. Ah, cool! Ça c'est plus entre nous trois, quatre, pardon. Et entre trois, le gagnant pourra choisir le prochain jeu. Je serai quitte d'imposer ma volonté. Je veux choisir. Je veux gagner. Alors, les règles, c'est très simple. Si vous avez la réponse, vous dites moi. Et le premier qui dit moi, il a le droit de répondre. Et puis, je croyais que le premier qui disait moi, il avait gagné. Donc, vous dites, ça peut être facile. Ah, ça va être facile, du coup. Allez, on va commencer tranquillement avec l'exemple que je viens de donner, mes chers voisins et ma chère chérie. Qu'est-ce qu'un jeu de draft? Moi je sais. Vas-y, non, Gaëlan. Ah, il a été plus c'est rapide. C'est un hein. jeu où on s'échange les cartes. C'est-à-dire, par exemple, je prends des cartes dans la main, je choisis une carte et après je passe mon paquet à soit la personne de gauche, à la personne de droite en fonction des règles définies. Tout à fait. Alors, c'est à peu près ça, effectivement. Je reformule un petit peu, pour être plus clair. Oui. En gros, le jeu de draft, c'est un jeu où on va distribuer à chaque joueur une main de cartes. Donc, par exemple, une main de 5 cartes. Sur les 5 cartes, chaque joueur va en choisir une qu'il va garder devant lui. Et les 4 qui lui restent, il va les filer à son voisin de droite. Et il va recevoir du coup 4 cartes de son voisin de gauche. Il va en choisir une, il va passer les 3, etc., etc. Les jeux de draft, donc, c'est une mécanique qui permet de faire de la pioche, mais avec un peu moins d'aléatoire, et c'est un peu plus sympa. Si je donne un exemple, est-ce que j'ai un demi-point ou pas? Non. Mais tu peux donner un exemple. Je peux t'enlever idée. Un point. It's a Wonderful World, c'est un jeu de draft. Un jeu préféré. Le jeu préféré de Millie. Et oui. Tout à fait. Et It's a Wonderful World, c'est une très bonne transition parce que c'est un jeu de draft, mais c'est aussi un jeu d'engine building. Qu'est-ce que l'engine building? Je sais. C'est un jeu où tu crées ton empire. Alors, pas tout à fait. Est-ce que quelqu'un a mieux? Moi, ouais, vas-y. C'est un jeu où, en fait, ce que tu construis au premier tour te sert en tant que base pour te construire quelque chose de plus fort au deuxième tour. Et en fait, c'est comme une machine infernale. Tu vois, plus tu construis, plus t'es fort et plus c'est ça, c'est ça. Alors, l'engine building, c'est l'anglais pour fabrication de moteurs. En gros, le but, c'est effectivement que chacune des cartes que tu vas fabriquer ou des dés que tu vas améliorer, ou etc., ça va te permettre d'être de plus en plus fort et donc d'avoir de plus en plus de ressources pour acheter des trucs encore plus forts et avoir encore plus de ressources, etc., etc. Si je donne un exemple, j'ai encore un mi-point ou pas? Non, mais t'as le droit de donner un exemple si tu veux. Vas-y, donne un exemple. La domination. Domination, c'est un très bon jeu d'engine building, ouais. Effectivement. Tu es très doué en exemple. Mais... Moi, en fait, je suis doué pour illustrer les choses pour les auditeurs. Voilà, c'est bien déjà. Ok, autre mécanique. Qu'est-ce que le deck building? Moi. Vas-y, Glenn. Non, je sais pas, je dis si, moi, mais. Moi, je sais. Mais trop tard, j'ai dit. Mais non, t'as dit tu savais pas. Si, t'as passé c'est ton un tour. Jeu où on prend ses cartes, deck building. Et en fait, on se construit un deck en défaussant et en repiochant d'autres cartes. Attends, t'as utilisé le même mot là. Ouais, oui. Merde. Et oh, c'est bon. Hein. Alors, c'était pas très clair. Vas-y, Mélie. Ouais, j'avoue. Chance. Et bah, donc, c'est un jeu où on a une pioche. Alors, déjà, qu'est-ce qu'un deck? Un deck, bah, c'est un paquet de cartes. Oui, tout à fait. C'est un paquet de cartes. Donc on a un paquet de cartes et on va devoir jouer avec ce paquet de cartes et rajouter des cartes dans ce paquet de cartes en piochant des cartes qui sont au milieu. Non, toi t'as utilisé le mot deck et comme c'était dans la définition demandée. Ouais. Merci le perroquet. Allez, je vais le donner à Amélie, mais je vais réexpliquer parce que c'est vraiment pas très clair. En gros, un jeu de deck building, c'est un jeu où chaque joueur va commencer avec un paquet de cartes défini. En général, c'est 10 cartes. Et en fait, le jeu va avoir après plein de règles autour hein, qui sont diverses et variées. Mais la mécanique de deck building, ça veut dire que notre paquet de 10 cartes, on va l'améliorer avec des cartes de plus en plus fortes pour pouvoir faire des tours de plus en plus puissants. C'est comme un engine building, mais dans ta pioche. Ouais, c'est cartes, ça. Quoi. C'est un peu l'idée, ouais, effectivement. D'ailleurs, il y a beaucoup de deck building qui sont aussi un peu des engine building, finalement. Oui, bah oui, du coup. Mais c'est pas toujours le cas. Pas d'exemple, Mélie. J'en ai un, moi. Moi aussi, j'en ai un, c'est pour ça vas-y, que j'ai mis. Vas-y, Camille, on t'écoute. Un exemple. Eminent Domain. Eminent Domain, c'est le même un exemple. Jeu de deck building dans l'espace qui est fort sympa. Autre mécanique. Alors là, on va se pencher un peu sur des types de jeux. C'est un peu différent. Est-ce que vous savez la différence entre un Eurogame, aussi appelé jeu à l'allemande, donc Eurogame, hein, euro comme Europe. Ah, j'ai compris, un euro. Oui, moi aussi, c'est un euro. C'est pour ça que j'ai repris, parce que j'ai entendu ma formulation, qui n'était pas hyper claire. Oui, c'était pas c'est terrible. Un espace Eurogame versus Ameritrash. Est-ce que vous savez m'expliquer la différence entre les deux? On a des jeux comme ça chez nous? Non, non, il oui, on a des deux. Des on a des deux. Alors ça, pour notre défense, tu nous en as jamais je parlé. Je pense pas hein. que vous en avez oui, déjà parlé. Le mec, il nous fait des quiz sur des trucs dont personne n'est au courant, mais sinon ça va. Non, alors, c'est des termes qui sont assez importants, parce qu'on les utilise beaucoup pour définir un jeu. L'Eurogame, ou jeu à l'allemande, c'est des jeux qui vont être plutôt très stratégiques. Donc ça, c'est mon genre de jeu. Moi, j'adore les jeux allemands. Avec où on a une balance mécanique thématique qui est plus du côté mécanique. C'est-à-dire qu'on va avoir une thématique qui va te porter un petit peu la mécanique. Là où l'Améritrage, ça va être différent. Où, en fait, la mécanique, elle va servir à mettre en avant ta thématique. Par exemple, tu vas dire, moi, je veux faire un jeu sur les oiseaux. Ce qui m'intéresse, c'est de faire un jeu sur les oiseaux. Et derrière, la mécanique, elle passe un peu en deuxième. Et j'ai aussi... un exemple. Je dis ça parce qu'on a un jeu qui s'appelle Wingspan auquel on a joué ensemble. Qui est, je me doute qui est que tu n'as pas dit ça au hasard. Tout à fait, tout à fait. Et dans l'Améritrage, c'est des jeux aussi qui sont un peu plus avec plus d'aléatoire, on tolère plus de pas vraiment savoir ce qui se passe au prochain tour. Et du coup, il y a une troisième catégorie, je vous laisse deviner, ça va être très rapide. Qu'est-ce que l'Eurotrash? Le blanc. Très rapide. Chers auditeurs, aidez-nous, s'il vous plaît. Je pensais que vous arriveriez à savoir ce qu'on va mettre en place un numéro vert pour que les gens puissent nous aider. Parce que c'est un appel peu, à un public, c'est s'il vous plaît. 50-50, s'il vous plaît. Et bien, le 50-50, oui, parce qu'en fait, Eurotrash, c'est 50% d'Eurogame et 50% d'Améritrash. Oh, je C'est-à-dire que c'est en fait un mélange des deux. C'est un jeu ni très stratégique, ni très chaotique, et qui est un peu entre les deux, et qui est un peu le jeu à la mode en ce moment. On essaye de faire des jeux vraiment équilibrés entre mécanique et thématique. Ah, personne n'a d'exemple, hein, vous faites plus les malins. Bon, l'autre, elle a dit un exemple du début. Si, on a, par exemple, je pense que Dune Imperium, ça c'est un jeu Améritrash qu'on a fait récemment, puisque c'est très thématique, c'est pas très stratégique, il y a beaucoup d'aléatoires. Le et truc Eurogame, avec les vampires aussi, non? Il n'y avait pas un jeu comme ça avec des vampires? Tu le vends bien en tout cas. Ouais, mais on l'a fait que tous les deux, là c'est un peu de l'Améritrash. Vampire la Mascarade, Legacy. Tiens d'ailleurs, Legacy, on en parle. Qu'est-ce qu'un jeu Legacy? Moi j'ai bugué. En plus, je suis même pas sûre de la réponse. C'est un jeu qu'on tue. Non, c'est un jeu que tu utilises une fois et après tu déchires des cartes. Et moi, ça me fait trop mal au cœur parce qu'à chaque fois, Charles il déchire des cartes et voilà, c'est pas facile. Alors, ouais, en fait, le Legacy, effectivement, c'est un jeu qui va évoluer avec toi. Donc, Legacy en français ça veut dire héritage, c'est-à-dire que d'une partie à l'autre, ton jeu il va évoluer petit à petit. Souvent, c'est un jeu qui va te raconter une histoire. Et effectivement, des fois, tu vas devoir déchirer des cartes et ne plus jamais jouer avec. C'est tout ce que j'ai souvent, ouais, c'est à chaque fois ça nous brise le cœur de faire ça. Tu m'étonnes. Souvent tu vas avoir des enveloppes avec, ou des petites boîtes avec des trucs cachés dedans que tu vas débloquer. C'est vraiment un jeu super sympa qui va te renouveler chaque partie. Ensuite, qu'est-ce qu'un jeu à rôle caché? Dites-moi. Alors, j'annonce pour les auditeurs, c'est la dernière question. Après, tout à fait. Voilà. Qu'est-ce qu'un jeu à rôle caché? Eh ben, c'est un jeu où on ne sait pas qui on est. Non, c'est pas dans le titre un petit peu. C'est un jeu où on est caché. Effectivement, on va essayer d'expliquer un petit peu ce que c'est qu'un rôle caché. Qu'est-ce que ça implique? Eh ben, ça implique de la stratégie. Ça implique que les autres ne sachent pas notre rôle. Et qu'on joue un autre rôle, qu'ils pensent qu'on a un rôle et en plus on a carrément l'inverse. Parce qu'en fait on est caché. Ouais, d'accord. Alors, en fait on joue, on est sous la table. Ok, ok. Alors en fait le jeu à rôle caché, c'est un jeu. Comme quelqu'un a dit loup-garou, je crois que c'est Galen. Oui. Donc c'est un jeu, effectivement, le loup-garou, c'est un jeu à rôle caché. C'est-à-dire que souvent c'est un jeu où il va y avoir deux équipes et personne ne sait vraiment qui est avec qui. Et c'est des jeux où il va falloir bluffer, mentir, trahir. C'est ça le mot que je cherchais. Voilà, c'est ça. Bon, je donne le point à personne pour ce mot. Tu as raison. Et la prochaine question, c'est Galen, du coup, c'est quoi le prochain jeu que tu choisis? Alors, le prochain jeu que je choisis, ça sera un jeu rapide, sans prise de tête, je ne sais pas lequel, mais un truc où mes neurones ne chauffent pas trop. Ça marche. Ah, bah, écoutez, t'allais l'embêter sur The Crew. Ah ouais, je m'attendais à The Crew, aussi. The Crew, c'est trop tard, j'ai dit The Crew. C'est voilà. Trop tard, c'est Camille qui a choisi, ça compte pas. Je m'en fous, ça compte, c'est moi le chef. Du coup, j'espère que vous avez appris quelque chose pour nos prochaines émissions et ce sera plus facile de vous expliquer les jeux. Oui, parce que Charles utilise beaucoup de vocabulaire, donc il faut le comprendre maintenant. C'est pas toujours évident. Allez, tout de suite, on va s'écouter une musique qui est vieille, je pense. Ça date de quand, ça Charles, toi, qu'as-tu choisi? C'est pas ça date de quand, mais c'est vieux rock de l'époque de mon père. On va sortir les vieilles guitares. Attention, je monte le son. On a même des gens qui crient. Vous êtes chaud sur Fadjet? Ouais. Tout de suite, Aerosmith, Dream On. We'll be right back. Ambiance de folie dans les studios. Voilà, et ben il a fait un retour plus magnifique, Aerosmith du Rimon. Jusqu'à 19h sur Fadjet, la voisinade, faites comme chez nous. La voisinade sur Fadjet, les histoires de Mélie. Les histoires de Mélie, mais avant les histoires de Mélie, Camille, tu as quelque chose de très très très très important à nous dire. Oui. On t'écoute. Alors, je me mets à parler marseillais parce que Mélie m'avait, m'avait demandé de parler marseillais puisqu'elle avait gagné le premier génie de l'actu lors du pilote que vous n'avez pas entendu. Mais elle m'avait mis au défi de parler marseillais. Du coup, comme j'ai gagné le dernier, je lui renvoie la balle en lui demandant de caser deux mots dans sa chronique. Je parle très mal marseillais. Allez, t'as pas assez travaillé l'accent. Du coup, Charles et Guylaine, essayez de retrouver les deux mots que je vais demander de caser. Si vous les trouvez, c'est que Mélie a perdu son défi. Et si vous ne les trouvez pas, c'est qu'elle a réussi. Voilà. Donc, ça veut dire que pour une fois, on est obligé d'écouter la chronique de Mélie. Exactement. Du coup. Okay, ça m'arrange pas, cette histoire. Moi non plus. Bonne chance, Mélie. On est sympathique, en tout cas, c'est bien. Mais non, mais vous allez voir, vous allez pouvoir cuisiner. Ça va forcément vous intéresser. C'est vrai. Alors, chers auditeurs, dans cette émission, auditrice, on ne sait pas trop de quoi j'ai parlé. Donc, dans cette émission, on pense à vous, puisque Charles vous donne des idées de jeux de société, et moi, je vous donne des idées de repas. Donc, il n'est évidemment pas question de manger des pâtes et un steak, hein, il va falloir commencer à changer les habitudes alimentaires. Donc, je vous propose de revisiter des recettes de la Rome antique. Avant cela, j'aimerais vous présenter très rapidement la cuisine des Romains. La cuisine romaine est principalement connue par un auteur qui se nomme Apicius, que personne ne connaît autour de cette table, c'est pas grave. Et il faut savoir que manger 3 fois par jour n'était pas la norme dans la plupart des classes sociales, puisque les gens ne mangeaient qu'une fois. Il y a seulement les classes aisées qui mangeaient 3 fois par jour, et il y a seulement les classes aisées qui mangeaient allongées. Hein. Ça ne concernait pas tout le monde. Ah oui, carrément, oui. Voilà. La cuisine romaine avait évidemment un goût différent de la nôtre. Elle est semblable à la cuisine asiatique, avec un goût très sucré, et le pain est forcément l'aliment de base dans le monde antique, ainsi que le vin, et ça me plaît. Parce que c'était pas cher ou un truc comme ça, le pain? Bah parce que c'est ce qui est simple, c'est ce qui est facile à fabriquer. Donc ce qui est bon. Voilà. Aussi, ouais. Donc après cette très très rapide présentation de la cuisine romaine, je veux vous faire place à la pratique, donc à vos crayons pour noter les recettes. C'est parti. Alors la première recette que j'ai envie de vous proposer est une salade hippotrima, qui peut également servir d'entrée, donc à base de salade de saison type laitue, fromage, miel, vinaigrette, huile d'olive, sèche, menthe séchée, pignon grillé, raisin sec et dattes dénoyautées. J'espère que vous avez tout noté, je ne répéterai pas. Non mais je suis sûr qu'il y a déjà un mot qui est passé, j'ai oublié moi. Donc cette salade, finalement, elle est très facile à préparer, elle est très bonne, mais il manque un ingrédient indispensable que personne ne connaît, qui s'appelle le garum. Ah si, je connais, ça sent le poisson, non? Oui, j'en ai mangé quand j'étais au collège. Quand je faisais latin, on faisait les trucs de l'époque romaine, ouais. Et j'ai mangé, ça pue là. Ah. Ouais, je dirais pas le mot, mais c'est horrible. C'est une sorte de gnocchmam à base de poisson macéré, ouais, pendant des années. Même les animaux, je crois, dégueulasse. Ah, ça vend du rêve, votre truc. C'est horrible. C'est ça. Le garum, c'est... C'est un chanteur québécois aussi, le garum. Il a chanté avec Céline Dion aussi. Alors, je disais, donc le garum, c'est une sauce qui est présente dans tous les plats romains, et c'est une sauce composée de chair ou de viscères de poisson qui a fermenté très longtemps. Et on peut d'ailleurs utiliser la chair de crabe pour fermenter le tout. C'est une sauce finalement très salée, qui est similaire, comme disait Gaëlon, au gnocchmam. Charles. Ouais, je ne vous écoute pas, en fait. Je ne vous écoute pas. Je fais ma chronique et puis c'est tout. Ouais, j'ai complètement oublié le défi de Mélie. moi aussi. Du coup, Alors, comme plat principal, je vous propose la patella de Lucretius. Ça vend du rêve, non? C'est mieux que le bœuf bourguignon. Enfin, bon. Donc il s'agit finalement d'un... Bœuf bourguignon, c'est un mot. Je le sens, c'est obligé. Ah, c'est pas con, hein, c'est pas con. Franchement, elle rigole, elle devient rouge. Je crois que j'en ai un quand même. Donc il s'agit d'un ragoût de poisson. Donc pour cette recette, il vous faut du miel, du vin bien évidemment, du poisson, de la sarriette qu'on peut remplacer par de l'origan puisque c'est quand même difficile à trouver, et de l'huile. Par contre, Apicius ne donne aucune information sur les temps de cuisson, donc il faut improviser cette recette. Sympa. Et d'ailleurs, chers auditeurs, j'arriverai pas à dire ce mot, je vous mettrai en ligne la photo de ce plat, puisque quand j'étais étudiante en master, nous avons réalisé ces plats. J'ai hâte de voir. Donc en ligne sur nos pages Facebook et Instagram, Fadjet, la voisinade, je rappelle. Exactement. Et la troisième recette que j'ai envie de vous parler, donc c'est un dessert, ça s'appelle la patina de poire. Donc, l'ingrédient principal, c'est... La poire. La patina. La patina. Oui, donc la patina, la poire, on sait plus. Hein. Donc, c'est à l'origine un plat de... La patina, en fait, c'est un plat de cuisson. Hein. Voilà. Qui c'est va au four. Un plat de cuisson. Un plat de cuisson, ok. J'ai compris un pas de cuisson. Un je plat, me suis dit, c'est plat, quand tu plat. Cuis pas. C'est cru, quoi. Si c'est... Pardon, vas-y. Putain, score. Donc il s'agit tout simplement d'un mets culinaire qui ressemble à un flan. Et pour cette patina, bah, rien de plus simple. Hein. Il vous faut des poires, de l'huile d'olive, des œufs, du miel, du vin doux, du cumin, du poivre et évidemment quelques gouttes de garum. Hein. Toujours, on en met partout. Sympa. Et enfin, si, chers auditeurs, vous êtes un peu foufou, il y a d'autres recettes hein, qui sont peut-être un peu plus compliquées à réaliser. Vous avez notamment un ragoût de crête de coq arrachée sur l'animal vivant. Oh, c'est dégueulasse. Alors, je ne vous garantis pas des problèmes avec L214 avec ce genre de pratique, mais moi, je ne suis pas responsable. Vous avez également une recette qui consiste à faire un condiment avec le foie d'un poisson que l'on a fait périr dans ce condiment. On peut d'ailleurs rajouter des flocons d'avoine pour que ce soit plus agréable. Et il existe aussi des recettes extravagantes avec des talons de chameau ou des langues de flamant rose. Ils sont un peu fous, ces Romains, là. Ouais. C'est pas pour rien qu'ils avaient une espérance de vie de 40 ans, à un moment. C'est ça. Donc voilà pour mes petites recettes. J'espère que ça vous a plu. Et j'ai également une photo de la patina de poire pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Eh ben, on ira voir ça. Alors, du coup, il y avait loup-garou. Bourguignon. Et flamant rose. Non, je pense pas. Effectivement, j'ai entendu les deux mots, ils étaient beaucoup trop faciles à placer. Il faut savoir que je ne savais pas de quoi Amélie allait parler aujourd'hui. Et le fait qu'elle parle de nourriture, ça m'a pas du tout aidé. Ah oui. Et c'était quoi du coup? Crabe et flocon. Ah, putain, crabe, je m'en suis douté. Ah ouais. J'ai eu un doute. Alors, flamant rose, ça choque pas, mais crabe. Mais flocon, il était moins bien casé que le crabe parce qu'on sentait que c'était un peu. Vous pouvez mettre du flocon d'avoine si vous voulez. C'était un peu. Mais franchement, bien joué. Et le bœuf bourguignon, ça aurait carrément pu parce qu'on aurait vraiment dit que tu l'avais rajouté. C'était un piège. Bien joué. Bravo. Eh ben, merci beaucoup. En tout cas, nous, on s'est complètement plantés. Voilà. C'est qu'elle a relevé le défi. C'est qu'elle a relevé le défi avec brio. Et qu'est-ce qui rime avec brio? Et bah c'est Kyo. Qui est Kyo? Ouais. Tout de suite on va s'écouter Kyo avec mon époque. Merci comme Charles. Si j'avais été là quand il a mis les musiques. Je remplis des pages ce soir, je noircis des blocs. Et si on se croise, il faudra baisser les stores. S'éclater les cordes vocales, mais c'est du sport. Pas la même ligne de départ, pas la même ligne d'arrivée. Tous nés sous un cimetière d'étoiles. Un backstage, mon futur un blind test. Toujours en quête, la prochaine quête. Je suis mal dans ta peau, t'es mal dans la mienne. Ce soir, je mets de mon époque. Je remplis des pages, ce soir, je noircis les blocs. Et si on se croise, il faudra baisser les stores. S'éclater les cordes vocales, mais c'est du sport. Ce n'est pas ton jour, pas ton mois, pas ton année. Le bonheur court toujours après l'horizon. Vol d'oiseaux blessés. Ma vie un backstage, mon futur un blind test. Toujours en quête de la prochaine fête. Je suis mal dans ta peau, t'es mal dans la mienne. Ce soir j'aime de mon époque. Je remplis des pages, ce soir je noircis les blocs. Et si on se croise, il faudra baisser les stores. S'éclater les corps vocales, mais c'est du sport. Je ne veux pas rester seul. Je ne veux pas rester seul. Je ne veux pas rester seul. Ah, je ne veux pas rester seul. Je ne veux pas rester seul. C'était Kyo avec Mon Époque. La voisinade sur Fadjet, les indébattables. Les indébattables, alors je vais réexpliquer pour ceux qui ne nous auraient pas écouté, les indébattables, ce sont des sujets de la vie quotidienne, des sujets tranquilles qu'on va débattre. Et notre débat d'aujourd'hui c'est, quelle est la meilleure émission de télé? Camille, on t'écoute. Pékin Express. Ah oh, j'adore. Très bon, facile. On arrête le débat, le voilà, débat est fini, merci, Camille a gagné. Au revoir. Delphine. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas photo, cette émission est géniale, ça te fait voyager, ça va dans ma chronique, c'est exactement ce qu'il me faut, ça, c'est, c'est ce que je veux faire, on découvre des gens, on découvre des civilisations, il y a une course, il y a du suspense, il y a tout ce qu'il faut, et voilà, c'est trop bien. Bah voilà, bah elle a tout dit, je pense que on va passer tout de suite à la prochaine chronique. Allez Charles, on t'écoute. Alors tout de suite, le génie de l'actu. Non, alors moi la télé, je regarde pas, j'aime pas ça, donc moi je citerai Game of Thrones sur le Twitch de Mister MV un mercredi sur deux à 20h, voilà. T'as de la chance que t'as fait vite parce que j'avais coupé ton micro, donc... Non mais c'est intéressant de savoir que Charles ne regarde pas la télé. Non jamais, j'aime pas ça, ça m'ennuie. Je regardais Pékin Express. Et s'il y avait une émission de jeux de société à la télé? Je regarderais la télé. Oui, mais du coup, la télé ferait faillite. Mélie, on t'écoute. Alors moi, la meilleure émission, pour moi, c'est pas sorcier. Mais, ça, mais genre, je m'attendais pas du tout à C'est pas sorcier. Non, je sais. À un truc non, récent, mais... tu vois. Non, mais pour moi, c'est la meilleure émission qui ait jamais existé. La musique, ce que t'apprenais. En plus, c'était à l'heure du goûter quand ça passait. C'était génial. On apprenait plein de choses. On comprenait toute la vie avec C'est pas sorcier. Moi, j'adore. Vous voyez comme je m'amuse avec ma chérie. Bah, c'est pour ça que Charles ne regarde pas la télé. Du ouais, coup, non, bah oui, c'est clair. C'est logique. D'ailleurs, Jamie, si tu m'entends, hein, je veux bien t'aider. D'ailleurs, si tu aimes Jamie, il a une chaîne TikTok oui, bah oui, épicurieux où il y a plein de trucs. C'est du C'est pas sorcier faire son TikTok, c'est vachement intéressant. Ouais, je sais, je suis cru que vous allez dire Jamie, tu peux venir ici sur Fadjet. Si Jamie nous écoute, il peut venir sur Fadjet pour la prochaine mission qui sera le 18 novembre. Alors, j'en profite pour Stéphane Rotterdam. Si tu nous écoutes, tu peux aussi venir sur Fadjet. On va avoir un beau duo d'invités, Stéphane Rotterdam et Jamie. Voilà. Je sais pas ce qu'ils vont faire ensemble, mais. Bah, hey, ils vont peut-être nous faire découvrir les secrets du Guatemala. On sait pas, on sait pas. Du coup, bah, moi de mon côté, je m'attendais à ce que Camille dise Koh-Lanta. Donc, j'avais prévu Pékin Express également, parce qu'il n'y a pas photo, c'est la meilleure émission de la planète. Il y a de l'aventure. En général, les duos sont très bien castés. On s'amuse. Stephen Rottenberg, je l'adore. J'ai rien d'autre à dire. J'ai hâte que ça revienne. Et surtout, si les casteurs de Pékin Express m'écoutent, j'ai postulé, vous n'avez même pas regardé ma vidéo. Donc, il y a un moment, faire des efforts, les gars. Je veux y être l'année prochaine. Donc, vous débrouillez, vous faites une pétition sur Facebook là, pour que je sois dans Pékin Express la saison prochaine. Bon, bah, on est d'accord. Du coup, c'est Pékin Express, la meilleure émission. Bah, deux contre un. Bah, voilà. Deux contre un. Donc, je vous élis, du coup, les meilleurs chroniqueurs de la planète. Parce que pour choisir ça... Il fallait être les meilleurs. Je vois que Mélie a quelque chose à dire. Non, alors moi, je pense qu'on devrait quand même demander de l'avis à nos auditeurs. Parce que bon, vous êtes là, vous vous la pétez, on avait raison. Mais à mon avis, eux, ils ont sûrement raison parce qu'ils ont des avis sur ça. Ouais, mais okay. D'accord avec nous. De toute façon, il n'y a pas 50 solutions. C'est Pékin Express, Koh-Lanta ou les Gifres des Lettres. Ou c'est pas sorcier, c'est pas sorcier. Mais les gens qui ont normalement ton âge ne regardent pas C'est pas sorcier. Hein. Non, c'est ils intéressant. Moi, je suis vraiment un grand fan de des Chiffres et des Lettres. Parce que ça me rappelle quand je buvais du chocolat chaud avec mon grand-père. Bon, en tout cas, je vous remercie. Tout de suite, on va s'écouter une musique que j'ai choisie. Alors, attention, sortez les grosses guitares, les grosses voix rauques. Tout de suite, on va s'écouter. Attention, je lance la musique. Machine Gun Kelly avec Paper Cuts. Bleach my hair, mess it up. Take my life, dress it up. Signed a deal, I got paper cuts. They wanted them, but they got us. Yeah, yeah. Sleeping in, fake sick. Smoked a blunt, had a kid. Don't belong, I'm a punk. Hello world, you fucking suck. Hey, hey, keep my mouth shut and wait. It up, take my life, dress it up, signed a deal, I got paper cuts, they wanted down, but they got us, but they got us. la grosse guitare et des grosses voix, c'est tout ce qu'il fallait pour égayer mon jeudi soir. 18h, 19h sur Fadjet, la voisinade. Faites comme chez nous. Alors voilà, je faisais le malin pendant que la musique passait et j'ai pas du tout lancé le bon jingle, mais c'est pas grave. Je suis un loser. C'est pas grave, je vais vous expliquer. Le génie de l'actu de cette semaine est un peu spécial parce que je vais tester mes chroniqueurs sur leurs préférences. Donc je leur ai demandé quels étaient les points forts en culture G. Donc Camille m'a dit la série Dexter, Charles m'a dit le e-sport et Mélie m'a dit l'histoire médiévale et romaine. C'est bien ça, on est d'accord pour le moment. Oui, ça fait un peu peur d'avoir des spécialités, mais ouais, j'assume plus trop. Du coup, là, ça met une pression de ouf parce que si on se plante, c'est qu'on se plante sur notre spécialité. Quoi. Exactement. C'est ça. Et du coup, pendant la pause musicale, je leur ai montré des chiffres avec leurs couleurs. Leur couleur correspond à leur question. Et les autres, et en fait, ils ont dû se remémorer. Quelqu'un va parler à ma place, hein, j'arrive plus. Du coup, il nous a montré une fiche avec des numéros qui étaient colorés et on a chacun une couleur qui est associée sur le conducteur. Et notre but, c'était de retenir les numéros qui étaient associés à notre couleur. Voilà. Donc, par exemple, moi je suis le rouge, j'ai retenu tous les numéros qui étaient en rouge, le, 10, le 2, le 6, le 8, le 16 et le 25. Moi j'ai retenu aussi les numéros rouges en fait, c'est pour ça que ça m'a. Du coup, tu vas avoir les questions de Charles a priori. C'est bon, tout le monde a compris les règles. Si les auditeurs n'ont pas compris les règles, ils peuvent venir à Fadjet et me péter la gueule. C'est parti. Le barème de points, je vous le donne. Si vous répondez juste à vos questions, c'est 2 points. Les questions de culture G, donc les grises, 3 points. Les questions autres, donc les questions de la spécialité de quelqu'un d'autre, 4 points. Et les questions jaunes, c'était les miennes. C'est mes spécialités, c'est 5 points. Ah, voilà, j'ai compris les couleurs. Donc en fait, j'ai pas forcément intérêt à choisir les miennes, quoi. Ça dépend du nombre de points que t'as. Allez, Camille, on commence par toi. Dis-moi un numéro. 1. Malin. Alors, première question, c'est sur Dexter. À quoi l'ex-mari de Rita, Paul Bennett, était-il un ancien accro ? À la cocaïne, à l'héroïne, aux amphétamines ou à Fadjet ? Héroïne. Bon, bah, ouais. Une nouvelle dépendance est arrivée. Le gars, il est dépendant à Fadjet. Bah, tu sais, moi, je suis un peu dépendant à Fadjet. Hein. Oui. Nickel. Camille, 2 points. Charles, un numéro. Après la 1, je choisis la 2. Est-ce qu'elle est rouge ? Je l'ai. Attention, les Worlds de League. Alors attention, c'est pas du tout ce que je raconte. Hein. Les Worlds de League of Legends, le plus gros événement e-sport de l'année, auront lieu cette année en Islande, en Norvège, au Danemark ou au Guatemala. Cette année. Alors cette année, c'est en ce moment, hein, on est d'accord ? T'es au courant ? C'est cette semaine là, c'est aujourd'hui. Ah lui, il a fait des questions, mais il s'en sait pas plus. Hein. Ah ouais, je sais pas du tout. Et je sais pas du tout où ça se passe. Je croyais que c'était en Asie, mais. Eh bah ça aurait dû être en Chine, mais ça a été délocalisé justement. Ah bah je sais pas. Eh ben, t'as le choix entre 4 réponses. Islande, Norvège, Danemark, Guatemala. Guatemala, je dirais que non. Danemark, non plus. Ouais, j'en sais rien. On va dire en Islande, allez. Eh ben, bien joué. Ah, tu as 2 points. Ah, bien vu, Charles. C'est beau. Effectivement, l'édition de cette année, alors je croyais que c'était en novembre, et autant pour moi, elle a été délocalisée, mais elle devait être en Chine, comme l'ancienne session. Si je dis une bêtise, tu peux me corriger. Oui, c'est ce que j'ai lu sur Wikipédia. En tout cas, ça devait être en Asie, effectivement. C'est ça, ils ont délocalisé ça en Islande. Tout à fait. Mélie, un numéro, mais du coup, tu n'as rien retenu. Le 22. Le 22, ok. Le 22, c'est une question. La tienne. Waouh, bien joué. Tu t'en sors bien. Alors attention, je me retrouve dans mes fiches. Alors, Éléonore d'Aquitaine est célèbre pour avoir épousé successivement 2 rois. Alors, est-ce que tu le sais ou tu veux un QCM? J'aimerais trop que vous puissiez voir la tête d'Émilie. Non, mais si, bah, vas-y. Ok, Charles Quint puis Philippe d'Espagne, Richard Cœur de Lion puis Louis VII, Louis VII puis Henri II Plantagenet ou Philippe d'Espagne puis Richard Cœur de Lion. Henri II Plantagenet et l'autre là. Non. Louis VII. Ouais. C'est ça, bonne réponse. Ah là là, elle savait pas du tout. En mais fait, que je tombe pas sur une question. Elle se rappelait juste de Plantagenet. Bah oui, c'est ça. Bah oui, parce que je me souvenais qu'à Aliénor d'Aquitaine, il y avait un lien avec les Plantagenet, donc je me suis dit, bon, bien je prends vu. Pas trop de risques. Bien vu, bien vu. Camille. Allez, on va prendre la 5. C'est une question bleue, c'est ta couleur. Attention, la question bleue. Quelle était la profession du père de Dox dans Dexter ? Militaire, boucher ou policier ? Alors là, je ne sais pas. Dis pas que tu sais pas, parce que si t'as la bonne réponse, on croira que tu savais. Alors oui, je sais, tout à fait. Il était policier. Je sens que c'est pas ça. Non, c'est pas la bonne réponse. Il était boucher. Ah ouais, ouais. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il pense que c'est le boucher de Bear Arbor, parce bah, que ouais. Son père était boucher. Il pense qu'il a perpétré la tradition. Charles. Alors moi, j'ai trop la pression là sur les questions e-sport, alors je vais pas choisir ma question. Je vais prendre la 3, tiens, je crois que c'était du gris. Non, la 3, c'est du gris, effectivement. Quel est le nom du docteur dans le Cluedo? Le Dr House, le Dr Violet, le Dr Olive ou le Dr Blunt. Mais c'est quoi ces questions là? C'est la culture générale, ma petite. Hein. Ma petite docteur, de quoi, Dr Olive ou Blunt? On a quoi? House, Violet, Olive ou Blunt. Ouais, je veux pas vous mentir, une c'est une blague. Hein. Bah, je crois que c'est Olive, non? C'est votre dernier mot, Jean-Pierre? Je suis pas sûr, mais. Et bah, ouais. C'est la bonne réponse. Ouais. Ah, c'est ça, il me semblait. Donc, hein. Du coup, tu as fait un bon choix. Il y a pas 3 points. Il y a pas le colonel Moutarde, un truc comme ça aussi? Si, si, non, mais il est pas docteur, du coup. Il est colonel, quoi. Parce que quand t'as dit docteur, j'ai pensé à docteur Moutarde. Je dis non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Du coup, vu que j'avais le général Moutarde, je me suis dit, ça doit être docteur Olive, ça va bien avec. Sinon, on a General Motors, qui est une société de voitures. Enfin, bref. Qui, du coup, n'est pas au Cluedo. Non. Mélie. Le numéro 16. J'ai l'impression qu'on est au loto. Alors le 16, ça, une question de e-sport, attention. Ah oui, oh, quelle erreur. Effectivement, c'est dommage. Ouais. Dans quel pays avait eu lieu la première édition du championnat du monde League of Legends? Attention, je cherche les réponses. Remporté par Fnatic en 2010. Alors, c'était en Suède, en Norvège, au Danemark ou en Finlande? Mais les seuls worlds qui ont été européennes. Je crois que c'était au Danemark. En Finlande, en Finlande. Attends, parce que du coup t'as dit ah, j'ai perdu. Mais non, mais moi j'ai même pas le temps de répondre. L'autre il répond maintenant. En Finlande. De toute façon, vous avez tous les deux faux. C'était la Suède. Voilà. Comme ça, vous êtes nuls. Et moi, ça me fait moins de points. Ça date de 2010. C'est vieux. Ah bah, mais t'as dit que t'étais un spécialiste de l'e-sport, pas un spécialiste de l'e-sport de 2020. Ouais, c'est vrai. J'ai ma mémoire qui flanche. Camille. Moi, je vais quitter Dexter, je crois. La 7, c'est une à toi, non? Ouh la vache, ouh là là, elle prend le risque d'aller sur mon truc à moi. En quelle année le club d'Arsenal a remporté la première ligue sans perdre un seul match? Jamais. Attends, c'est bien sûr. T'as presque la... Non. 2002, 2003, 2004, ou quoi? Ils ont déjà joué sans perdre. Attends, tu peux répéter la question? 2002. La question. En quelle année le club d'Arsenal a remporté la première ligue sans perdre un seul match? C'est la seule équipe qui a fait ça, hein, de toute l'histoire du football. Et t'as quoi, 2002 2002, 2003, 2004, ou quoi, ils ont déjà joué sans perdre. C'est des années trop resserrées, là. Comment tu veux? S'il y avait eu encore une époque, j'aurais pu... Mais si je te mets 80, 90 et 2000... Alors, 2002. Perdu. C'était 2004. Ok. Voilà. Moi, j'aurais essayé. Nul. C'était juste pour rappeler quand même à tout le monde qu'Arsenal est le seul club qui a gagné la Première Ligue. Le trophée en or, voilà, c'était juste pour dire ça. Ouais, bah, c'est la grande, déchéance. Ah, c'est la grande déchéance, hein, 12 places de moins depuis. Ouais, effectivement. Allez, Charles, choisis une question. Allez, je vais essayer de rendre honneur à mon e-sport, on va prendre la 25. C'est parti, la 25, la 25, s'il vous plaît. Ah, alors, la sang marseillais est contagieux. C'est ça. Où s'est déroulée la dernière finale des championnats du monde de FIFA? J'en ai aucune idée. FIFA, je suis pas du tout. Ah, c'est de l'e-sport. Londres, Madrid, Paris ou Turin? Londres, Madrid, Paris ou Turin. Ou Turin. Paris ou Turin. J'en sais rien. Madrid. Perdu. C'était Londres. Ah. Vous êtes sur une belle série, en tout cas, de questions on non est bon, répondues. Hein. Allez, Mélie. Moi, ouais, c'est ma première. Le numéro 8. Je fais exprès. Moi, c'est encore à moi, ça. Ouais. Sur mais quel... non, mais je voulais tes questions à toi. Moi, j'ai pas retenu les numéros. Attends, j'ai pas compris. Une chance sur 3 de réussir. Sur quel jeu Gotaga s'est-il révélé? Je sais même pas ce que c'est, ça. C'est un gars, Gotaga, c'est un mec. C'est un streamer. Call of Duty, Fortnite ou CSGO? Call of Duty, Fortnite ou CFGO? CSGO. CSGO. CSGO. Charles, si tu sais, tu pourrais donner la réponse, si tu trouves pas, du coup. Eh bah, Fortnite. Charles? Ouais, je crois que c'est ça. Bah non, c'est Call of Duty. C'est Call of, c'est Call of. Ah bah t'es bien. Et bah la belle affaire. C'est bien, grâce à vous, j'ai pas de points à noter. Moi, ça m'arrange, j'ai beaucoup moins à travailler. Non mais c'est pas juste aussi, moi vous savez tous vos numéros parce que vous avez capté ce qui se passait. Moi, j'étais en train d'écouter la musique, j'ai rien compris, j'ai pas mes numéros. Moi, je suis pas d'accord. Même mes numéros, j'arrive pas à répondre, alors bon. Allez, moi j'arrête de jouer. On fait un dernier tour, alors sachant que Camille a 4 points, Charles 5 points et Mélie 2 points. C'est votre dernier tour, donc vous pouvez être stratégique. Moi, je crois quand même que j'avais genre le 12. Ouais, c'est ça, le 12. Attention, le 12, tatatatam. Non, pas du tout, le 12, c'était Mélie. Ah, oh bah super, on n'en dit rien. En 27 avant Jésus-Christ. Ah, je sais ça. L'Empire succède à la République. Quel est le nom du premier empereur de Rome? Caligula, Tibère ou Auguste? Attends, je t'envoie la réponse. Caligula dans mon esprit. Allez, vas-y, je vais être pour lui. Lis dans mon esprit, putain. J'ai répondu. T'as répondu, j'ai pas entendu. Caligula. Perdu. C'était Le 3. C'était le 3. Exactement. Ouais, c'est évident. Oui, bah moi aussi je le savais, mais je voulais laisser Charles gagner. Il a encore pas gagné de génie de l'actu. Elle a combien de points, Mélina, du coup? 2. Toi, t'en as 5. Elle a 5, il faudrait qu'elle réponde à 4 ou 1. Ouais, elle peut quand même gagner. Ouais, elle peut encore. Sauf si. 2, 6, 8, 16, 25, elles sont parties là déjà. Il reste encore la 8. Eh ben, celle que t'as dit. La 8. Alors, la question numéro 8. Non, elle est partie bah aussi. Bah non, je l'ai pris la 8. Ouais, bah, donc en fait, ils ont fait toutes tes questions. Ils ont fait toutes mes questions. Ah, bien joué, Mélie. T'as la stratégie, quoi. Ouais, donc t'es obligé de répondre à un truc que tu ne connais pas. Vas-y, choisis pour moi, si tu veux bien. Ah, je peux pas, j'ai les couleurs. Ah oui, d'accord. Bah, 24. 24. Et bah, tu es sur une question de Mélie. Ah, merde. en vrai, elle est assez simple. Oui. Ok. En combien de classes la société médiévale est-elle divisée? Une, deux ou trois? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand Galen nous a demandé nos points forts, il nous a aussi demandé nos points faibles. Et nos points faibles, j'ai clairement répondu l'histoire géo, surtout géo, mais bon, histoire géo, quoi. J'ai répondu pareil. Un, deux ou trois, classe médiévale? Ouais. Bah, il y a le... Ah bah, trois, il y a le clergé, la noblesse et la plèbe. Je crois en plus, il les cite. C'est ça, exactement. Je suis si bon. Wow. Tu as juste... Points, là. Donc non, là, normalement, Charles... Non, sauf si Mélie répond à une question à moi. Bah non, ça fait 5, elle n'aura que 7. Effectivement, je ne sais pas compter. Je suis indébattable. Non, oui, effectivement, on va quand même jouer pour Allez, la gagne. Pour le fun, quand même. Allez, Mélie. Pour l'honneur, vas-y, Mélie. Tu peux encore me battre. Le 18. Le 18, c'est une question de culture générale qui vous rapportera 3 points, madame. Alors, la question de culture générale. Quel est le titre du show télévisé pour enfants dont raffolent Lisa et Bart Simpson? Et il n'y a pas de QCM. Oh là là. C'est non, je ne vais pas te donner d'indice parce que je pense que peut-être que les autres l'ont autour de la table. J'ai un indice, c'est dans un dessin animé où les gens ils sont tout jaunes. Non mais le show que t'as compris la regarde. Question toi au moins ou pas? Oui, je sais. J'ai un truc qui me vient à l'esprit, hein. Je sais que c'est absolument pas ça, mais c'est histoire de répondre quelque chose, au moins je ferai rire la galerie. T'as raison. Le Muppet Show. Bon bah voilà. Attends, je suis sûre que je l'ai, mais... Non, moi je sais pas du tout. Ça commence par un truc avec Krusty, non? Non, ça rime en tout cas. Whiz Titi partout. Je sais pas. Non, c'était Itchy et Scratchy. Ah oh, ouais, pas du non, tout. Non. Allez, je vais être gentil, je vais vous laisser une question bonus qui va valoir 6 points. Ah oui, donc juste tout pile ce qu'il faut pour m'avoir. Okay. Attends, quand tu dis que tu es gentil, ça dépend avec qui en fait. Non, vous allez répondre, c'est le premier qui a la réponse. La question 19 ou 23? 23. C'est pour que ça me gagne encore. Non, allez-y, 19 ou 23? 23. Mais elle dit 23. Non, mais est-ce que c'est un vote? Parce que du coup, ok, bah 23. 23. Pas de problème. Attention. Dans la série Lost, qu'a marqué Charlie sur sa main avant de mourir? 1. Dis à Claire que je l'aime. 2. Il y a une deuxième île. 3. Pas le bateau de Penny. 4. Merci. J'ai une question. Quelqu'un a vu Lost ici? Non. Ok, donc personne n'a vu Lost. Tu peux... Vous répétez la question, s'il vous plaît. En premier, c'est une question de rapidité. Je dis la réponse 2 rapidement. Moi, je dis la réponse 1. Moi, je dis merci. Bon, bah, c'était aucune des trois. C'était l'autre. C'était... pas le bateau de Penny. Voilà. C'était on est vraiment. C'était la 3 du coup. En fait, on s'est fait des gentillesses oui, là, c'était trop beau. On est trop sympa, franchement. C'est magnifique. Quoi, ce qu'on a bon, fait. Bon, en tout cas, je déclare Charles grand gagnant de la culture générale. Enfin, grand gagnant des chroniqueurs. Bravo, bravo, bravo. Bravo, Charles, bravo. Ouais, je m'auto-applaudis là. Vous avez vu, chers auditeurs, quand même, c'est mon mec, hein. Il est quand même pas si bête que ça. Hein. Tu pourras choisir un gage. Soit tu le choisis maintenant, soit tu le choisis entre les deux prochaines émissions. Là, on sera au début. Là, est-ce que je peux choisir comme gage que Mélie ne fasse pas de chronique? Je retire mon compliment. Non, je propose un gage à Mélie. Est-ce qu'elle peut faire une chronique autre que l'histoire? Ok, c'est noté. C'est un gros c'est gage, fait. Ça. C'est fait. Eh bien, c'est noté. Ça va encore comme gage. Eh ben, en tout cas, je vous remercie. Elle est dégoûtée. Je vous remercie d'avoir joué à ce jeu. En tout cas, vous êtes très, très, très, très nul. Après, je suis ouvert d'esprit. Et c'est déjà la fin, puisqu'il est 18h59. Mais la bonne nouvelle, c'est que maintenant, on revient tous les 15 oui jours. Oui jours. Mais pas les 15 oui. Oui, parce que les 15 oui, ça ne veut rien dire. Donc en tout cas, je suis très content d'avoir fait cette deuxième avec vous. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous allez vous abonner sur notre page Facebook et Instagram. Suivre nos bêtises dans nos stories. Je vous remercie tous les trois. Je serai un peu plus gentil avec vous sur les questions la semaine prochaine. Je souhaite à tous les auditeurs de Fadjet une bonne fin de semaine. Et on se dit à dans 15 jours. Bisous, bisous. Bisous, ciao.